Allez, bonsoir tout le monde, c'est parti en direct évidemment là jusqu'à 23h, on est là ensemble, c'est jeudi, c'est la dernière de la semaine et ça fait grave plaisir de vous retrouver là, 21h partout en France, merci en tout cas d'être avec nous, ça fait grave plaisir jusqu'à 23h, on est là, 2h de fourrière, 2h des canulars, 2h de défi également parce qu'on est jeudi, on retrouve Ben qui est avec nous ce soir, ça va Ben? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, très très bien, hein. Ben aujourd'hui c'est un petit peu son before anniversaire parce que ton anniversaire c'est quand? Samedi. Samedi, bah voilà. On va le fêter ce soir. On va le fêter ce soir en direct. On a commencé là, tranquillement. Ah, il y a Jojo qui est avec nous ce soir. Oui. Ça va bien? Très bien. T'as passé une bonne journée? Très bonne journée. Et bah c'est bien. Des démarches, des trucs, des. Oh, c'était génial. Et bah voilà, tout est dit. Qu'est-ce qu'on allait dire? Alors, aujourd'hui, on aura la minute gaming, on aura la question du soir, on aura le coup de gueule tout à l'heure de Jojo. Évidemment, on aura le top ou flop, on aura le défi du jeudi. Alors le défi un peu spécial, faut pas vous cacher, auditeur, auditrice, parce qu'on s'est dit, c'est l'anniversaire de Ben dans quelques jours, et on s'est dit, ce jeudi, on va faire un défi rien que pour Ben. Alors, ouais. Pour le coup, Jojo, il a sorti, sorti la panoplie. Alors, on a fait, on va peut-être faire, je dis bien peut-être ce défi, seulement si on arrive à 100 gemmes. Alors, vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe? On a pris une photo de Ben il y a quelques minutes et on l'a balancé sur Facebook, sur la page Radio Mixfort. On arrive en moins de 4 minutes exactement, à 21h04, on l'a programmé. Et cette photo, s'il arrive à 100 gemmes avant, avant la fin de l'émission, et bon, on le déguise en fille et on l'envoie dans la rue. Ouais. Accoster des voitures avec un super beau costume. Ah bah justement, c'est pour ça qu'on a fait confiance à c'est Jojo. D'ailleurs il a même pas vu, il a rien vu. Non, il a rien vu, il a... même pas ce qui va et se puis, passer. Et puis Jojo il a des cadeaux aussi à t'offrir. Ah, il a ramené la blinde de cadeaux. Ah ouais. Alors là franchement ça va te plaire parce qu'il y a plein de petits cadeaux qui vont être très utiles. Attends, et c'est pas des conneries. Question. Il y a FIFA 17. Je peux pas te dire. Ah, il y a le CD, truc qui fait que peut-être que t'as envie de faire. Mais voilà, on peut pas te le dire là, mais voilà. On a cotisé. Ça sera une surprise. On a cotisé. Enfin, j'ai cotisé pour le moment parce que vous devez tous du pognon. Hein. Vous êtes fort en cul. Bah, reste avec nous. Oh, oui. On sera cache-fière là. Ça arrivera tout à l'heure, le tout nouveau Cachemire, on sera tout nouveau Sénélé Gomez aussi également. On sera également Binta. Son préféré, Maître Gims. Mille poils de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Notre Black M national. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Ça arrivera évidemment tout à l'heure. Reste avec nous, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. Bon courage à tous les routiers qui nous écoutent. Évidemment, retour du son Dance Floor dans moins de 2 minutes avec Martin Garrix. N'oubliez pas, dès lundi, le retour également début de semaine là, avec l'application mobile Radio Mix Floor. Vous allez pouvoir nous écouter en mieux. Là, vous pouvez nous écouter uniquement via l'application Orange Radio. Mais rassurez-vous, dès lundi, nouvelle application Radio Mix Floor. Ça arrive évidemment. Restez avec nous, on est là jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, ça promet une grosse émission ce soir, comme chaque jeudi. Voilà, Martin Garrix, le tout nouveau titre. Ça va rentrer en playlist ici Radio Mix Floor. On est là jusqu'à 23h. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Martin Garrix à l'instant en direct, hein, jusqu'à 23h, on est là, bougez pas. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur la Dance Floor. Et ouais, ça fait grave plaisir là. Et on démarre le week-end dès ce soir là, c'est jeudi soir évidemment. Dès demain soir, on retrouve Quentin dans le Paid Mix à partir de 20h avec tous vos DJ résidents, Radio Mix Floor. Et puis ça sera vendredi soir, et puis samedi soir. On n'oublie pas, une petite pub également, on aura une petite soirée Radio Mix Floor là programmée, vous allez bien noter évidemment, ça arrivera tout à l'heure. On fera un petit point foot également avec. Ouais, tu dis quoi? Je bégaye. On fera un petit point tout à l'heure foot avec l'Europa League, exact. Ben. Ah là là. Voilà, on aura le top 100 des DJ également. Voilà, on a, je viens de l'avoir aujourd'hui. Le top 100 des DJ. Putain, j'arrive pas mal. Je crois qu'à force de manger des hamburgers dans cette radio, j'ai des petits rototos. Parce qu'on va pas vous le cacher, l'auditeur. On ne le cache pas, on a mis la photo sur Facebook. Jeff nous a ramené des hamburgers d'une marque qui commence par un M. Et qui finit par un. Ah bah c'est bon, t'as compris, je pense. Et il nous a ramené au moins 20 hamburgers. Et du coup, un O. Pardon, je cherche après la lettre. Voilà. Bah non, ça finit par un D, mais bon, c'est pas grave, mais... McDo, ça finit par un O. Quick, KFC. Je finis par Ald, l'autre je dis pas le nom, et l'autre je dis... Enfin bref. Du coup, on mange pendant les musiques, et du coup, c'est ce qui fait ce petit rototo. Bref, en tout cas, en direct, évidemment. Veuillez nous excuser de cette gêne occasionnelle. On appellera aussi le gagnant, tout à l'heure, on va le sélectionner pour 3 places qu'on offre, évidemment, le match de Lens Red Star, ça se passe demain soir du côté du stade Félix Bollard de l'Elis. Du coup, on va appeler le gagnant en direct. Mais avant ça, le... Votre journée s'est bien passée, je l'ai pas demandé, pardon. Vas-y, t'as demandé. Ben, non, Ben. Oui. T'avais quoi de beau? Il a mis un réveil. Il a pas réveillé, il s'est trompé de jour. C'est n'importe quoi. Ouais, j'ai voulu me réveiller de bonne heure, 14h. ça va, ça va. Oh, chauveur. Ça va, j'ai voulu me réveiller à 14h. Ouais. J'ai mis mon réveil en route, mais je l'ai pas mis au bonjour. Du coup, le réveil a pas sonné, je me suis réveillé à 17h. Oh là là là là. J'ai commencé à me branler, ouais. Ouais, en me réveillant, j'ai commencé à me branler aussi. Ouais, c'est ça. Tu l'avais dur ? Oh, carrément. Ah ouais ? Ah bah écoute, avec, ça doit pas quand même se voir. Avec le rêve que j'ai fait. T'as rêvé de qui ? Ah, j'ai rêvé que j'étais patron de Radio Mixlore. Oh, ça t'a fait bander. Ah bah écoute. Bah, si tu veux, je te la passe volontiers, ma place. Ah, vas-y, allez. Je te laisse plein de factures derrière, moi, si tu veux. Jojo, ta journée s'est bien passée ? Plein de rendez-vous sympas. Peut-être des bonnes nouvelles aussi pour la suite de la radio, parce qu'il y a plein de projets ensemble. Bien sûr. Donc voilà, sûr. Des financières, il faut négocier, c'est la merde. Mais bah, on les aime bien. Et bah justement, on te quitte pas, Jojo, parce qu'on va démarrer par ton coup de gueule à 21h10 en direct. Putain, ça va chier. Allez, il reste encore 2 minutes, s'il te plaît. Pourquoi ? Ben, il est que 21h08. Et normalement, c'est 21h10. Voilà. Faut respecter les horaires. Faut respecter les horaires, s'il te plaît, sinon. Toi, tu fermes ta gueule, c'est bon, après c'est, avis de grève. C'est Marie-Brenzel, vous faites ce que vous voulez, je d'accord, c'est 21h09, c'est coup de gueule. Allez, c'est parti. Non, un coup de gueule, parce que j'aime bien les Anglais. Hein. Sur ça, il n'y a aucun souci, ils sont sympas de temps en temps. Mais il y a un Anglais qui a dépensé 22 000 euros. Qui a dépensé 22 000 euros pour ressembler à quelqu'un. Et franchement, 22 000 euros pour ressembler à qui ? C'est vraiment moche. Pour ressembler à qui ? Pour ressembler à Beckham. À David Beckham ? Ouais, à David. 22 000 euros ? Ouais, ouais, 22 ouais. euros, ça coûte un bras. Ouais. Donc franchement, c'est affreux. Ben. Attends, ils ont pas mis de ketchup dans mon hamburger. Alors... mais gros, regarde, c'est pas des conneries. Oui, ben on s'en fout, on est en train de parler de. Qu'on a branlé, l'autre, l'autre il bouffe pendant que nous on parle. En train de parler d'une radio, y a des gens qui nous écoutent et l'autre il dit oh, je m'en fous, y a pas de. Oh lui, oh, je crois qu'il va avoir un défi plus qu'un défi lui. Hein. Ouais, attends, tu posais quoi comme question ? Ouais, bah rien, t'as qu'à écouter. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'en pensais ? Ouais. Bah écoute, s'il faut payer 22 000 euros pour ressembler à un joueur de foot, je ressemble à Cristiano Ronaldo. Hein. Bah de loin alors. Ok, merci. Mais de très très loin. Tu m'excuseras, mais. Alors 22 000 euros, et le pire c'est qu'il y ressemble pas du tout. Non, c'est ça, non il ressemble vu, pas du j'ai tout. Vu la photo, il ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Ce mec est un peu fort et il a pas pu. Enfin, il ressemble pas à jouer au foot quoi. Ouais, vous pouvez arrêter de bouffer pendant que je suis en train de parler parce que franchement, ils ont les hamburgers dans la bouche. Moi, il y a que moi qui est sérieux. J'ai pas d'hamburger dans la bouche moi. Oh, bah, essuie sur le côté. Ah, ouais. T'as un oignon. Ah, c'est vrai. Ouais. N'importe quoi. C'est n'importe quoi cette émission. Putain. Et donc après. Donc du coup ça m'énerve en fait dépenser de l'argent pour ressembler à quelqu'un qui. Enfin en plus c'est nul, c'est laid quoi. Mais du coup tu paierais combien pour ressembler à Ben toi ? Bah 100 000 euros au moins franchement. Bah bon, écoute, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de travail hein, pour que j'y ressemble. Ça coûte rien, tu ouais, donnes. Ça coûte rien, je laisse pousser la barbe. Et puis. Tu te réveilles à 17h et puis ouais, c'est je me réveille à 17h tous les jours et puis c'est bon. Et je bouffe des hamburgers et. Oh là. Et puis je fais la gueule parce qu'il y a un peu de cul. Ouais. Chop. Ok, la suite du coup alors, de gueule. Alors, aussi un coup de gueule. Bon, après, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est l'émission C'est mon choix. Ah bah oui, c'était connu alors, à l'époque sur. Ce qui était avant sur France 3 avec Evelyne. On nous avait dit que ça allait changer, que ça allait être un peu plus dynamisé, mais en fait non, c'est toujours la même chose. Ouais, moi j'aimais bien à l'époque moi, quand j'étais. Ouais, mais on retrouve ce qu'il y avait à l'époque, on le retrouve maintenant, alors que. Bah je te demande, c'est bien évolué. Non. Non, il y a des choses qui évoluent. Mais... C'est genre les sujets, je pue. Ouais. Bon, attends, le sujet que j'ai vu. Fais, hein, parce que chaude, je regarde j'aime bien la faire télé. Rentrer tous les week-ends, enfin c'est genre de merde comme ça. Ouais. Je regarde la télé la nuit, donc du coup je suis retombé dessus et il y avait un sujet où c'était je pète tout le temps. Enfin, un truc. Je sais pas comment il était leur casting en tout cas. Putain. Alors, l'autre, il a dû jeter un coussin péteur dans une poubelle pour dire qu'elle a arrêté de péter devant tout le monde en fait. Qu'elle est pété dans ses chiottes tout seul, mais voilà. Enfin, un truc, je trouve. C'est marrant, si, ça fait rire. C'est bien. Evelyne, elle est bien. Evelyne, elle est bien. Puis, c'est un peu gnangnang. Ouais, mais c'est un peu gnangnang quoi. Enfin, moi, je suis un peu tombé sur la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu là. Je suis tombé sur la vidéo de Jean-Michel Maire, un touchement au poste qui a été piégé parce qu'il est participé à l'émission C'est mon choix. Ouais, il a voulu se taper Evelyne Delia, Evelyne Thomas. Evelyne Thomas. On l'a vu. Il fait les avances, ouais. Pas mal. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette fille. Ouais, carrément. Elle a changé, elle a pris quand même un peu de poids. Mais Ah, bah, c'est l'âge. Ah, bah, c'est l'âge. Mais tu vois, il manque quelques. Il faut quelques. Enfin, le plateau, c'est le même. Ok, on retrouve le plateau, mais il manque quelque chose en fait. Je sais pas, ouais, un truc qui j'accroche plus en fait. C'est avant, du revu. Ouais, c'est du revu. C'est comme toutes les émissions qui vont arriver, ça m'énerve. Hein. On reparlait de Coé aussi. Le il va refaire son nom. La méthode Coé. La méthode Coé. Ouais. Alors apparemment c'est la méthode Coé d'après les infos. Ça va être une seule fois la méthode Coé. C'est une émission spéciale pour retracer tout ce qu'il avait fait dans la méthode Coé. Une seule émission. Apparemment c'est prévu comme ça. Ah, ok. Donc ouais, après on va nous ressortir le Big Deal. Ouais. Ouais. Ouais, ça on sait inventer. Très bien que les émissions comme ça, le Big Deal, la Famille en Or, tout ce qui, ça a été relancé, enfin la Famille en Or, etc., c'était relancé et ça n'a pas forcément fonctionné, quoi. Ouais, ouais, c'est parce que je pense que les nouvelles émissions qu'ils essaient de lancer, ça marche pas. Du coup, ils essaient de balancer des anciennes émissions qui marchaient à l'époque. Donc, voilà quoi. Entre maintenant et il y a 10 ans d'arrière, c'est plus la même génération. Ah bah non, ça évolue. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on aimait, moi j'aimais mieux les programmes d'avant. Quand je rentrais à l'école, j'avais les mini-cum. Après, il y avait le Big Deal, il y avait notamment Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions. Ça existe maintenant que pour les associations. Ouais. Là, mais c'est vrai que c'était tous les soirs à l'époque, hein, Qui veut gagner des millions. Avec, Moi, j'aimais bien regarder. C'est, ça passait à TF1. C'est avec Arthur, les boîtes là. Ah oui, ah, les boîtes, oui. Mais ils l'ont refait avec Julien Courbet sur D8, c'est ça. Ouais. Bah, ouais, c'était un mais ça n'a pas tellement bien fonctionné, tu vois. C'était réenlevé de la grille. C'était de programme, pas mal les boîtes. Ouais, moi, j'aimais bien, moi. Donc, ouais, reprendre des anciens trucs. Après, je pense que peut-être que sur D8, ça pourrait peut-être passer parce qu'ils ont la pêche, tu vois. Ouais. Ils vont peut-être faire quelque chose qui est différent, garder le même truc, mais différemment. Peut-être, je sais pas. On attend de voir. Ok, donc voilà. Tu verras bien en tout cas. Ça suivre. Ça marche. Bon, en tout cas, merci. C'est ton seul coup de gueule. Je peux manger hein bon, non, c'était mes coups de gueule. Ouais. On reste avec nous en tout cas en direct, évidemment, jusqu'à 23h. On sera le top au flop. On sera un petit replay également du Avez-vous Chantal qui était énorme hier, Jojo, le Avez-vous Chantal. Ah ouais. Franchement, on a bien rigolé. Elle était sympa. Hein. Elle était très sympa. Elle était vraiment sympa. Et comment s'appelle déjà Germaine. Germaine. Germaine. Très sympa. Voilà, on fait un petit point foot évidemment, 21h15, toi, l'heure de G. Europa League qui joue ce soir évidemment, alors un petit point foot. N'oublie pas d'ailleurs le soir du X-Floor qui se passe à l'Inox, ça se passe le samedi 15 octobre, j'espère que toute l'équipe de Ebrantaine sera là présent et qu'on pourra normalement retrouver, oui, j'aurais touché. Voilà, samedi 15 octobre, ouais. Nice a perdu 5-2. Ah bordel, branlé. Ouais. Et Saint-Etienne fait toujours 0-0. Ok, Europa League. Europa League. Ah, mais t'as d'autres matchs, t'en as plein. Ouais, mais après, c'est des équipes pas trop connues, tu vois. Bon, Logan Bistofly. Bon, non, mais t'as pas d'autres équipes un peu plus connues. Bah, Manchester United fait toujours 0-0 aussi. Ok. Ok, bon, ça marche. Bon, en tout cas, on va suivre évidemment ça en direct. Europa League en direct là. 21h15, on est ici ensemble. On se fait. Oublie pas, d'ailleurs, la photo a été mise là sur Facebook là. Allez sur la page Radio Mixler, la photo de Ben. Là, si on arrive à 100 j'aime là, putain là, si on arrive à 100 j'aime ce soir, on déguise Ben en fille. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette photo s'il vous plaît. Faites-le pour nous. On a envie de se venger un petit peu. Ah ouais. Ben. Bon, allez, pourquoi reste avec nous. Non, pas se venger, non, lui faire plaisir. Ah, lui faire plaisir. Ouais. Bah, faire plaisir, Ben. Plaisir. Merci le plaisir de me déguiser en meuf. C'est un beau plaisir. Excuse-moi. Oh, écoute, t'aimes bien ça, c'est bon. Bon, restez avec toi, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. A tout de suite, les amis. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Tomb Breath, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain. Tomb Breath, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. Trois salles, trois sons, trois ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mixplore. Ma table qui m'attend, le physio t'a dit non. quitté, tu t'es mis dedans. Ta petite a largué, elle t'a vu prendre un vent. Ses copines t'ont dit non, ne reviens pas dans 3 ans. Pourquoi tant de jalousie? Eh, pas la même catégorie. Eh, Ajax contre Paris. Give me all ta dino, autant dans 2-3 ans. Fais doucement, fais doucement, fais doucement. T'as peu goûté, peu ça dépassé. T'es peu bon, ton langage est comment? La sutile, les fumées, les bagarres, la fonce de mes chaussures, fais doucement. T'as des gains, ta gestu, tes chicots, ta muscu, ton projet, c'est comment? Oh, t'es déjà une galère pour ta life. Oh, faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. Allez, bonne soirée tout le monde. Le son de Axel Tony, faut pas forcer. On est ici jusqu'à 23h. Désolé pour le petit blanc là, j'étais concentré sur la photo Facebook. Jusqu'à 23h, Alex libre antenne sur la Dance Floor. Alors on est là, on bouge pas. La musique s'est pas enchaînée, c'est de ma faute, hein. Je suis désolé. Il y a un petit blanc de quelques secondes sur la radio, c'est de ma faute. J'étais concentré sur la photo Facebook de Ben. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la photo, hein, évidemment. Vous allez sur la page Facebook Radio Mixfloor. Si on arrive à 100 j'aime là avant 22h, avant 23h d'ailleurs, on envoie Ben déguisé en meuf dans la rue, complètement. On y va, on est fou là. Ben qui est toujours avec nous en direct là. Ouais. Et puis il y a Jojo qui, je sais pas où il est parti, Jojo, il est là. Toilette, ouais. Ça va, Jojo? Je suis là. Ben il est là. Là, tu es obligé de dire que je suis parti pisser. Bah non, mais j'ai pas dit que t'es pas parti. Bah lui il l'a dit. Ah, non, j'ai dit t'étais aux toilettes. Bah. T'es parti couler donner le son de Mandela. Couler un bronze. Bon, en tout cas, bon, restez avec nous en tout cas jusqu'à 23h, on est là. Et bah d'ailleurs, parce que vous êtes très nombreux à le réclamer, puis qu'on a fait tout, l'a dit tout à l'heure, on sera le top 100 des DJ. Et puis évidemment, dans quelques instants, le Happy Boo Chantal, parce qu'il était énorme hier soir avec Mister Jojo. On se réécoute un petit replay. C'était oui. Hier soir, avez-vous vu Chantal? Si vous avez pas eu l'occasion d'écouter, bah voilà, c'était hier soir. En tout cas, très énorme. On s'écoute c'est ça. C'est pas le tard. D'accord. Excusez-moi de vous appeler tard. Putain, ça répond pas, on a appelé trop tard. Ou elle est morte. Bah ouais, mais à chaque fois, on appelle trop tard. Allô. Allô, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous me passer Chantal, s'il vous plaît, en urgence? Chantal. Ouais, je suis bien chez Germaine. Oui. Oui, et bah elle est chez vous. Mais parce que elle a... bah oui, elle a pris les saucissons pour la soirée qu'on avait prévu de saucissons. Elle a dit qu'elle passait chez vous. Et j'avais besoin impérativement de la voir, c'est urgent. Oh ben, Chantal Colpa? Oui, passez-la-moi. Mais je ne l'ai pas, elle n'est pas là, moi je suis couché. Ah bah oui, mais non, moi elle m'a dit qu'elle était chez vous, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était chez vous, là. Mentez-moi pas, passez-moi Chantal, j'ai besoin du saucisson. Ben, passez-moi Chantal. Pas, j'ai pas Chantal? Bah si, Chantal, elle est chez vous, passez-moi le Chantal, parce qu'elle a le saucisson. Ben j'ai pas ni saucisson ni Chantal. Ben si. Non, je vous assure que je suis ben si. Ben si. Quoi? Ben si. Comment? Dans votre frigo. Je suis sûr qu'elle l'a mis dans votre frigo, le saucisson. Ben c'est pas possible, mais enfin je vous ai entendu rentrer quand même. Ben allez voir quand même si elle est... Ben, ça tombe, elle est dans votre canapé en train de dormir. Oh, mais vous savez que je marche avec des cannes? Hein? Mais pourquoi qu'elle m'aurait mis du saucisson dans ben, le mon... Ben je sais pas. En fait, elle est partie avec le saucisson. Elle a dit qu'elle est partie voir Germaine. Germaine, c'est oui, vous, elle m'a donné moi. Votre numéro. J'essaie de oui, l'appeler, donc là vous me dites qu'elle n'est pas là, alors qu'elle vient de me dire qu'elle était là. Moi, parce que si elle n'est pas là, alors que normalement elle était soi-disant être là, moi ça ne va pas le faire, parce que si elle n'est pas là, que je ne suis pas là et qu'on n'a pas le saucisson, bah, nous on ne pourra pas aller jusque là-bas, quoi. Comprenez? Et vous voulez aller où? Ben, avec le saucisson, on a une soirée. On a une soirée saucisson ce soir. Ben, quel pays? Ben, dans quel pays? Ben, en France, hein. Oui, mais à l'Andalousie? Hein? À l'Andalousie? Oui, c'est ça. Bah après oh, de la place. Bah alors, vous êtes sûr? Elle est peut-être partie chez. Attendez, chez. Allez, je suis sûr qu'elle est chez Gilbert. C'est pas chez Evelyne qu'elle est partie, non? Ah, bah peut-être. Mais non, moi, elle m'a dit chez Germaine. Oui, Germaine, c'est moi, bah mais oui. Non, c'est pas du tout qu'elle. prévu qu'elle passe ici. Hein. Bah si, parce que moi, je vous dis, elle m'a envoyé un message pour me dire que vous aviez qu'elle était chez vous, qu'elle avait le saucisson. Elle vous a même fait goûter le saucisson, Germaine. Elle m'a dit, je fais goûter le saucisson à Germaine. Oh, bah ouais. Non. Et en plus, et Germaine, en plus, je vais vous dire un truc, elle a piqué la jambe de bois à René. Alors René fait la gueule. Hein. Alors sol, saucisson, la jambe de bois, heureusement qu'on a des couteaux. Hein. René a une jambe de bois. Bah ouais, vous saviez pas? Non. Ah bon, bah je vous l'apprends ce soir. Ah, bah en fait, elle couche avec René. Je sais pas si elle vous l'a dit. Ah. Elle vous l'a pas dit? Non. Et en fait, René, il a une jambe de bois. Moi, je suis son neveu à Chantal, hein. Je suis Fred, vous son êtes neveu. Le neveu à Chantal. Ouais. Je suis Fred, le neveu à Chantal. Et je sais qu'elle couche avec René, qu'il a une jambe de bois. Moi, me dit tout, hein, Chantal, c'est moi, Toto. Hein. Mais c'est... J'ai jamais... Oui, bien sûr. Moi, je ne savais pas qu'elle couchait avec René. Elle ne vous l'a pas dit. Oh, c'est une cachotière. Hein. Et vous lui direz demain, alors René, et sa petite jambe ah, de oui, bois. Oui, je lui dirai, oui. Oh, ouais. Parce que moi, je n'ai pas une jambe de bois, mais j'ai deux béquilles. C'est ah ouais, mieux, c'est pas pareil. Hein. Mais je ne couche pas avec elle. Hein. Ah non, ah, bah, heureusement. Et vous n'avez pas le saucisson avec vous. Elle est mignonne, Chantal, elle est gentille. Elle est mignonne. Ouais, c'est... Bah, moi, je suis son neveu, donc je suis aussi mignon. Ah ben, vous êtes mignon. Et qu'est-ce qu'elle picole, Chantal? Elle boit quoi, Chantal? Oh, elle boit pas, Chantal, elle sait pas boire. Ah si, elle boit. Ah ouais. Bah, vous lui direz aussi demain. Alors, dis donc, petit saké, t'aimes bien le saké, hein? Ça, le saké, le saucisson. Ah, Bah ouais. Moi, j'aime mieux le saucisson que le saké. Ah ouais? Oh, bah, moi, j'aime bien le saké. Hein. Moi, j'aime mieux le vin rouge. Ah, le vin rouge, ouais. Avec un bon saucisson. Ah oui. Oh, bah, je viendrai chez vous avec un saucisson. Mais moi, je suis. Ah, d'accord, bah, j'ai le vin rouge. Vous avez le vin rouge? Moi, j'ai le saucisson. Oui. J'ai le couteau. Voilà. Il manque plus qu'à trouver Chantal et le gambe de bois. De René. Oh, à la gare de Chantal, mais elle est certainement partie chez Yvine. Bah, et je vous dis pas René, il peut même pas marcher. Oui, parce que demain, je sais qu'il y a... Non, c'est pas René qui s'appelle... Je sais que demain, il y a Yves qui vient, mais... Ah bon, il y a aussi un Yves. Moi, je savais que j'avais des doutes avec Yves. Hein. Ça, j'en étais sûr. Oh non, il n'y a rien avec Yves. Oh si, j'en suis sûr. Yves, il n'aime pas les femmes. Ah bon, il est gay. Oh non. Ah non? Non. Ah, il aime pas les femmes? Non, c'est pas un garçon à femme. Oh, non, ah, c'est pas un garçon à femme. Il doit aimer le saucisson, alors. Mais ça, le saucisson, c'est autre chose. Bah ouais, je comprends. Mais non, mais sinon, bah, je suis deck, quoi, parce que ça m'embête hein, de vous tenir la jambe. Enfin, la jambe. Oui. La jambe, hein, façon de parler, parce que vous avez pas la jambe à René. Non. Ah, mais vous lui direz demain. Vous lui direz, dis donc, ton neveu Fred, il t'a cherché et la jambe de bois vous René. Appelez Fred. Ah, vous n'appelez pas Alfred, non? Vous si. Appelez Freddy. Ouais, c'est Freddy. Oui. Ouais. Ah, elle me dit des petits surnoms comme ça, Freddy. Oh, c'est gentil. C'est ma tata d'amour. Hein. Bah non, vous ne vous appelez pas Alfred quand même. Ah non, pas Alfred, non. Oh, non, je suis jeune. Bah, hein. Vous dites Fred. Oui, mais moi, c'est. En fait, moi, c'est Frédéric. Alors, on m'appelle Freddy, Fredo. Ah, voilà, oui, voilà, oui, tous les diminutifs possibles. De toute façon, Frédéric, c'est. Et vous savez ce qu'on a chanté la dernière fois avec Toto, avec le saucisson? Vous voulez que je vous chante un petit peu la chanson? Oui, d'accord. Alors, attendez, vous allez rigoler. Vous voyez la chanson Tout, vous serez tout sur le zizi? Ah oui. Ouais, vous connaissez un petit peu, hein, refrain. Ouais. Et ben nous, on a créé la chanson comme ça. Tout, vous serez tout sur le saucisson, le petit. Le saucisson. Ouais, le petit, grand, le gros. Le dur, le mou, le petit prix de chez Carrefour, le pimenté, le ondulé, tout, vous direz tout sur le saucisson. Elle est pas mal, hein. Toi. Ah oui. Hein. Et chantez, faites-moi un petit plaisir, après je vous embête plus, je vous laisse redormir. Vous voulez pas tu peux la chanter avec moi, le tout, vous serez tout sur le saucisson? Allez, 1, 2, 3. Vous serez tous sur le saucisson, le cher, le gros, le gras, le maigre. Le dur, le mou, le petit prix. Oui, le petit touffu, le gros joufflu, le grand ribé, le montpellé, c'est ça, hein? Tout, vous serez tout sur le saucisson. Sur le saucisson, oh, pardon. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, Germaine. Et puis, ben, dès que vous voyez Chantal, vous lui chanterez cette petite chanson du saucisson, et voilà. Puis elle va rigoler. Voilà, je vais rentrer chez la mémoire et je lui dirai voilà. René, la jambe de bois, le saucisson sec. Ah non, le saucisson. Non, ben, le saucisson, celui, a le dur, le gros, le mou. Hein.

Allez, l'OM. Non, non, c'est un fan. Allez, l'OM. Ah, c'est ça. Non, tu dis allez, le LOSC. S'il répond pas, tant pis. S'il répond pas, c'est perdu. C'est perdu. Ah, bah là, il doit l'en plus. 5. Allô. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Allô, Anthony. Allô, Anthony. Allô, Anthony. Ouais. Ouais, ça va bien, c'est Alex, non, en direct à la radio. Ah, ça va, Alex. Bah, ça va et toi? Ouais, par contre, non, pas les LOM. Ah non, mais ça, c'est pas moi, c'est Jojo, ça. Non, ça m'étonnerait, c'est Ben. Ah ouais. Bon, comment tu vas, Anthony, là, de ce beau temps-là, j'ai envie de dire. De son temps merdique. Ah ouais, ça va, ça va. Bon, écoute, je t'appelle pas par hasard, évidemment. Ah, ça a raccroché? Non. Ah, mais il a raccroché. Non, okay, au bout du rouleau, lui. Attends, au bout du rouleau, il y a au bout de la live. Je sais pas ce qu'il a branlé, son portable. Il a fait déjà, ça raccroche, ça va pas aller. Ah, il y a le stress. Il y a le stress. Il y a le stress. C'est parti faire coco. Tu sais. Ok. Ouais, il est stressé. Ouais, il se démerde, j'ai pas tout mon temps. Hein. Allez, on y va. Allez, vite. Bon, bah tant pis, on va déchirer les places. Allô. Ah, pour but. Bonjour. Ah, tant pis. Allez, dernière fois. Tant pis, on rappelle. Là. C'est parti. Allez. Allô. Allô. Bah alors, qu'est-ce que t'as branlé ton portable? Ouais, ça coupe, j'ai un petit problème avec le portable. Ah bah j'en ai plus beaucoup de batterie en plus. Ah ouais, bah t'as qu'à changer de portable. Non bah Anthony, je t'appelle pas pour hasard et je t'offre évidemment 3 places pour Lens qui joue demain contre le Restart. T'as participé sur la page Facebook Radio Mixoir, t'as commenté, t'as partagé. Et bah les 3 places, ils sont pour toi mon ami. C'est une blague? Eh ben, non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Sinon, je m'aurais pas cassé le cul à attraper trois fois. Ah oui, t'as gagné. Il va pas nous faire chier. T'as dit que t'as gagné. Merde. Putain, il nous casse merci, les couilles. Merci, Alex. Bah, y'a pas de problème. Et hein, nous, on pue. Ouais, nous, on pue. Ouais. Bon, lui, il s'en fout. Qui c'est qui a fait le tirage? Bah, c'est au hasard, hein, c'est la machine. Bah oui, c'est voilà, c'est une machine. Non, pas mal. Ouais, c'est une machine, c'est la machine qui a tiré au sort et a tiré ton prénom, donc t'as été sélectionné donc pour les places. Donc je te contacte hors antenne, je te contacte hors antenne pour que je puisse te filer les places. Ça marche? Par contre, demain, enfin quand tu vas aller voir le match, on veut que t'aies une photo en fait pour nous remercier la radio. Hein. Ah bien sûr, bah hein, oui, bah oui. Et puis allez Lille. Non, j'entends mal. Bon, en tout cas, bah merci à toi, merci. Anthony. On te souhaite une très bonne soirée, une dédicace avant de nous quitter. T'en dirais à la radio, là, on t'écoute. Bah, petite dédicace à la BNC et merci à Radio Mixlor. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, les gars. Bonne soirée. Hein. Allez, bonne soirée. Salut. Salut. On est comme ça, nous, on aime bien faire plaisir. Là, je vais pas mettre ça, je vais mettre ça. Ouais. Comme ça, on offre des cadeaux, on est gentils. La semaine prochaine, on vous offre plein de cadeaux. On a des écouteurs à vous offrir, on a des entrains, on a des places de cinoche, on a plein de choses à vous offrir. Hein. Lundi, on n'oublie pas, il y a le retour du pervers également. Ce sera évidemment lundi. Évidemment. Ouais, ce sera lundi évidemment avec notre ami le pervers en direct. Évidemment, jusqu'à 23h. Passez à tous une très très bonne soirée. Oh, ça, le top 100 des DJ là. Attends, parce que là, je le vois, je l'ai devant moi. Parce que Radio Mixlor, évidemment, beaucoup de DJ le week-end. Et évidemment, il est tombé il y a quelques jours le top 100 des DJ. Alors, à votre avis, qui est en première place? Enfin, 3 premières places à toi, tu dirais qui je joue en j'en DJ? Sais rien, moi. Bon, en DJ, t'as pas des... Tu crois, ouais, il connaît rien en DJ, lui? Bah non, je connais pas les DJ, moi. Hein? Non, DJ Will. DJ Will. Ah bah, ton avis? Bah, j'en sais pas, moi. J'en sais rien, moi. Un indice, j'en sais rien. Bah, je sais pas. Toi, en première place, tu es avec qui? Je verrais DJ Snake. Ok. Alors, DJ Snake, il est 23e. Ah, 23e. Hein. J'ai classement, là. Déjà en dernière... Va te faire enculer, toi. En dernière place... Enfin, déjà en 98e place, c'est Galantis, alors qu'il a sorti des bons sons. Donc, en 10e position, il y a Steve Aoki. En 9e position, Chainsmokers. En 8e position, Calvin Harris. 7ème position, elle est descendue par rapport à les dernières, c'est Arvin Van Buren, pardon. En 6ème position, il a aussi augmenté par rapport, carrément augmenté par rapport aux autres années. C'est David Guetta, notre DJ français, je pense que c'est grâce au son, je pense, de l'été avec l'Euro. 5ème position, Tiesto. 4ème, Hardwell. 3ème, Avicii. Deuxième position, toujours notre Martin Garrix, qui était d'ailleurs premier, si je dis pas de bêtises, enfin, il était dans le classement des trois premiers l'année dernière. Et en première position, le top 100 du meilleur DJ au monde, c'est Dimitri Vegas et Like oh, Mike. Oh putain, voilà. Je voulais le dire en plus. Ah bah voilà. T'as qu'à le dire. Mais tu l'as pas dit. Je voulais dire ça, mais je me rappelle plus de leur nom. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Dimitri Vegas, il a sorti leur tube Arcade, hein, notamment. Donc voilà, c'est. Le... C'est une micropole en plus. Eh, mais c'est pas des conneries, je voulais vraiment dire ça. Ah bah c'est bien. Mais je l'ai pas dit. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aimer la partager la photo. De Ben. La photo de Ben, on a combien là? Ah, bah ça commence à avancer, on est déjà 51 j'aime là. Ah ouais, tu vois. Mine de rien, petit à petit, l'Ozo fait son île, la vie. Et ouais, à nouveau la vie. Je l'ai partagé sur voilà, Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis, je l'ai partagé sur l'autre Facebook. Voilà, la petite question que je vous pose, on en parle évidemment dans quelques instants. Quel est pour vous le meilleur moyen de trouver l'amour? J'attends l'amour. J'ai envie de chanter ça. Bon, en tout cas, t'es son pareil kiff. Non, je joue le jeu sur son portable, je sais pas ce qu'il fait. De quoi? Bah non, mais je dis, t'es pareil kiff, je parle et. Bah c'est nul que ce que tu viens de faire. Bah j'attends non, l'amour. Bah justement, je souhaite réagir par rapport à ça. J'ai envie de baiser! Ouais, ah, bah, comme tu veux. Bon, bah, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h. On sera peut-être, si vous avez kiffé hier la danse du saucisson, on se la refera peut-être tout à l'heure. Ouais, ça va. Hein. Ah, si, faut ouais. la refaire. Bon, allez, reste avec nous là, on est jusqu'à 23h, on est là. Bonne soirée, on est là, Maître Gims, Boucan pour la suite. Que faire de tout ce qu'ils disent, le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Gros, toi et moi, on n'a rien à voir. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. J'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Magic, Dadju et Darcy. Hey! Yeah. Allez, Maître Gims à l'instant avec Boucan en direct hein, jusqu'à 23h, on est là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur la Dance Floor. Je suis français. Allez, passez une bonne soirée, évidemment, on est là jusqu'à 23h. Merci en tout cas de passer le week-end avec nous. Bah oui, on démarre dès ce soir avec vous. Et puis en direct, évidemment, dès demain avec le Pet Mix, avec notamment Quentin Micro. Et puis demain, vous retrouverez DJ Sev, DJ Detect. Bref, en tout cas, on est là ensemble avec Ben qui est avec nous. Ben ? Ouais. Ben, il s'endort, il est dans le portable. Ouais, moi je suis là. Il y a Jojo qui est avec nous également. On n'hésitez pas à liker la photo là de. Et ça augmente. Hein. Ah, ça augmente, on a combien ouais. de j'aime là ? Dis-moi. 68, non ? Et il y a Anthony qui me demande si je vais lui passer, lui donner ses places en fille. En fille ? Bah oui, en tu. Bah habillé oui, en oui, fille. Oui. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On n'aura pas le temps. En tout cas, Ben, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Non, c'est samedi. Samedi, ouais. Mais en tout cas, les auditeurs, eux, pour eux, c'est aujourd'hui. Et il ouais. y a un de chez nous qui souhaitait bon anniversaire en direct avec nous. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Tu souhaites souhaiter un bon anniversaire à notre ami Ben. Oui, Ben, joyeux anniversaire. Alors évidemment, on l'a reconnu. Évidemment, il vient juste de rentrer chez lui. C'est notre ami Kev hein, qui était tout à l'heure. Il y a encore. Il est content. Moins d'une heure, il est en direct avec nous dans le Bifort et il a pas eu le temps de croiser Ben dans les couloirs. Donc voilà, il souhaite bon anniversaire à Ben en direct. C'est ça, Kev. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va, Ben ? Ouais, ça va, je te remercie. Hein. Vous n'êtes pas là pour raconter votre ouais. life. Hein. On a une émission à faire. Ouais, fais gaffe. Hein. Voilà. Jojo, il est jaloux. Ça va, Jojo ? Bah oui. On sait qu'il se tape la discute. Ouais, il se tape la discute, c'est bon. Hein. Prochaine fois, tu attends qu'on arrive. et bah, tant que t'es là, Kev, on est en train de poser la question à toute l'équipe. Quel est pour vous, c'est la question qu'on a posée ce soir auprès des auditeurs. Quel est pour vous le meilleur moyen de trouver l'amour ? Et bah, toi, quel est pour toi le meilleur moyen de trouver l'amour, Kev ? Alors, aller sur YouPorn. Ouais, ou tu kiffes ? Non, alors en vrai. Ouais, donc c'est quoi ? Je sais pas. Ouais, non, en fait, il est corpus saut. Hein. Romantique. Ah non, pour lui, c'est d'animer un podium avec nous. Il a trouvé l'amour. Il a trouvé l'amour avec nous. L'amour. Alors, toi, c'est quoi le meilleur moyen, Kev ? Bah, être romantique, je pense. Okay. Voilà, et pas être timide. Ok, ouf, voilà, tout ce que je suis pas, quoi. Ok, voilà. Merci en tout cas, Kev. Bah, dédicace avant de quitter ouais. notre ami Kev là, ce soir qui souhaitait bon anniversaire. C'est à Ben. Bon, il a déjà fait des dédicaces tout à l'heure dans cette émission. Ta gueule. Ouais, bah des dédicaces à tout le monde, là, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui écoutent mon émission. Et puis Ben, j'espère qu'il va faire la petite salope dans la rue. Entre toi et moi, la salope, c'est toi. Hein. N'hésitez pas, ouais, Kev, n'hésitez pas, je sais que t'as beaucoup de contacts, n'hésitez pas à partager la photo et ramener un maximum de likes, là, parce que pour l'instant, ça peut encore faire des filles. Mais tous sans likes, c'est grâce à qui, évidemment, j'ai partagé. Ouais, ça y est, gars. Et j'ai 1999 contacts. Hein. Il va se calmer, moi, j'en ai 3000, je vous emmerde. J'en ai 2193. Ouais, mais moi, j'ai deux Facebook. Hein, moi, j'en ai 3194. Bah c'est bien Kev, bonne soirée à toi et puis Allez, salut. Allo Kev. À samedi. Ouais, salut l'équipe. À samedi hein. Ciao. Bisous. Salut. Bon, on dirait évidemment jusqu'à 23h. N'hésitez pas à liker d'ailleurs la photo de Ben. Là, on s'envoie évidemment le Temple Fab dans quelques instants. On aura également le défi, hein, évidemment. Si vous arrivez avant ouais. 22h, si on pourrait faire le défi pour 22h, ça serait carrément classe. La question du soir, quel est pour vous le meilleur moyen de trouver l'amour ? On vous l'a posé. N'hésitez pas à agir par rapport à ça. On se fera la minute gaming évidemment dans quelques instants. Donc reste avec nous. Et puis on les cadeaux. Hein. On se fera un sondage sexe également. Ouais, et puis les cadeaux. Et puis je joue à des cadeaux à offrir à Ben. Donc voilà. On est à 73 j'aime. Ah bah voilà, ça augmente là. Bah, restez avec nous là jusqu'à 23h. N'hésitez pas à liker. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance Samira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes vous disiez ? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. l'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Je suis sur canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient où veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des vies. Le son de PWM à l'instant en direct. On est ici jusqu'à 23h, on lâche rien. C'est jeudi, c'est le début du week-end. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée pour vous. En tout cas, puis on, ça continue à augmenter. 82. Là, 82 gemmes. 82 gemmes. Allez, encore une petite vingtaine de gemmes là. Puis on débarque évidemment avec. On maquille notre ami Ben en fille et on l'envoie dans la rue. Donc ça sera tout ça évidemment en direct. Et sans pantalon. Hein. Ah bah non. Bah, ouais, voilà. Non mais en c'est en jupe quoi. Enfin en jupe. De quoi en fille quoi. Ah bah ouais, en fille. Ouais, et c'est ça, une crayon t'entends, hein, ouais, c'est un micro. Ah non mais bah, lui, il caille dehors, c'est fou. Et alors on s'en fout, on est à l'intérieur au chaud. Pas une chaudasse, hein. Il caille pas, ta gueule. Bah, et alors. Allez, on s'en fout. Allez, quel est pour vous le meilleur moyen de trouver l'amour ? On va commencer par Jojo. Jojo, pour toi, quel est le meilleur moyen de trouver l'amour ? Moi je suis. Ça va, on vous dérange pas la discussion entre vous là ? Moi je suis timide en fait. Ah bon ? Donc j'aborde pas les gens facilement. Sauf quand je suis bourré. Ouais, mais ça c'est tout le monde. Mais du coup ben en fait quand je suis bourré ça casse le coup quoi. Ah bah ouais. Donc du coup, tu vois. Donc Ouais, non, j'ai pas. Les sites de rencontres, tout ça, non? J'ai essayé, mais bon, c'est toujours la même chose, quoi. Sur Badou. Ouais. Et d'ailleurs, j'arrive pas à enlever mon truc de Badou à cause d'une publication que j'ai aimée, de Quentin. Ah, t'arrives et pas du coup, ben, je suis sur Badou. Ah, bah, voilà. C'est ça le problème. Ouais. Non, j'ai pas de. Je sais pas si site de rencontres ou des trucs comme ça, ça marche vraiment, en fait. Ouais, je sais pas. Ouais, si, ça peut marcher, ouais. Pourquoi pas, ouais. Sinon, après, c'est le hasard, quoi. C'est souvent soirée entre amis. Tu tombes sur des gens. Ouais, voilà. Tu discutes et tu apprends à connaître les gens et après tu vois que t'as des affinités. Mais bon. Après, il y a l'alcool aussi qui fait que aussi. Hein. Bah, pas forcément, tu peux faire des soirées sans alcool. Non, c'est vrai. Soirée sans alcool, merci. Toi, c'est bon. Hein. Tu te fais bien chier. Et alors? Ouais, ça, tu te fais chier, soirée sans alcool. Non, ça veut pas dire. Bah, tu arrêtes. Non, bah après, ça dépend. Ouais, ça dépend. Bah, après, faut. Ça dépend dans le contexte que côté. Ouais, ça dépend, c'est sûr. Voilà quoi. Donc, toi, tu sais pas trop quoi. Non, je sais pas trop. D'ailleurs, je suis célibataire et je cherche l'âme sœur. Ou plutôt, tu cherches l'âme frère. Voilà. Quel est T'es pour content. Vous... Il est content. Quel est pour vous le meilleur moyen de trouver l'amour dans des réactions là qu'a-t-elle être proche de la personne? Ne pas le chercher, comme on dit. Avoir une complicité, Alexandre. Mathilde, un feeling, la complicité. Surtout pas se prendre la tête. Laisse le temps faire les choses. Et voilà. Lolita également. Le meilleur moyen de ne pas chercher, ça nous tombe dessus quand on s'y attend. Ça c'était dit, non? Tout arrive par hasard et c'est comme ça que je n'ai une belle histoire. Non, c'est Lolita. Ah, c'est Lolita. Qui fait une dédicace. Lolita. Voilà. Ne pas le chercher, lol. Alicia là qui balance une dédicace. Le laisser venir tout simplement, Lulia. Savoir vivre sans personne, Amandine. Bob, le meilleur moyen, bah, c'est Sophie, c'est plaisir. Voyons, NDR. Ah, Sophie, elle nous écoute, Sophie. Océane qui nous dit l'attendre également. Là. Beaucoup de réactions en tout cas par rapport à ce sujet-là. Ben, toi, pour toi, l'amour, ça représente quoi pour toi? Pour moi, c'est. Bah, tu, genre, ouais, en soirée, tu rencontres des filles et tout. Et après, ça se fait au feeling. Bah, visiblement, tu fais pas cette soirée. Donc. Bah, si. Enfin, je fais des soirées, mais je veux dire, je vais pas chercher une meuf. C'est quoi ton style de meuf? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton style, de meuf? Mais j'ai pas de style. Non. Ah, gros, ça on me dit là. Et si il faut qu'elle aime jouer au jeu, tout ça quoi en fait. Ah, faut qu'elle aime jouer à la bite. Qu'elle aime dormir. Faut qu'elle aime jouer quoi? Avec la bite, ouais. Oh, oh mais on parle de trouver l'amour, Ben, on parle pas d'un plan cul. Moi pour moi, hein. Qu'est-ce que je dois foutre? Tu me dis les pompiers que je dois m'en aller. C'est vrai, les pompiers. Mais non, y'a plus de pompiers. Attends. Y'a plus personne. Ah, c'est. Je croyais que le bâtiment il prenait feu. Non, ils ont éteint leur gyrophare parce que c'est la surprise pour Ben aussi. Ah, Asriquise de pompier. Non, on leur a dit qu'on avait une belle blonde à leur présenter et tout. Ok, super. Non, mais après. Non, mais pour moi, il y a plusieurs choses. Moi, quand je rencontre une fille, je vois pas forcément le cul. Pour moi, il y a des filles que tu prends que pour le cul, pour des plans cul, mais il y a des filles aussi que tu cherches que pour l'amour et que tu vois pas derrière le forcément le cul. Si, moi, pour moi, je vois les choses comme ça. Bah, excuse-moi, quand t'es en couple, il faut bien. Bah oui! Non mais bon, quand tu vois la première chose que tu rencontres en soirée, la première fois que tu la rencontres et que tu tombes amoureux, c'est pas le même amour que tu vois, tu penses pas direct à la baiser. Non mais je veux dire... Bah en même temps, celle que t'as rencontrée, j'étais entre vous deux. Donc mais t'as pas eu le temps de la baiser. Je suis célibataire. Ah t'es célibataire, pardon. Ah bon je sais pas. Ah je sais pas, y'avait pas Charlotte avec toi? T'es sûr hein? Charlotte. Bah ouais, Charlotte. Ah, gros pervers. Ah. Il est con lui. T'es sûr que t'es célibataire? Ouais. Pourquoi? Ah c'est ça que t'as plein de boutons sur ta gueule. Ah mais je suis en couple, je vais pas le cacher, je suis en couple mais c'est... voilà. Bon je suis en couple, ouais. Fais-moi votre gueule. Non si j'ai quelqu'un dans ma vie oui. Mais ouais de quoi? Bah, parce que la première fois que j'ai rencontré cette personne. Lui j'aime bien parce que lui il parle, il parle. Ouais de quoi je veux pas parler. Elle s'appelle comment? Hein? Elle s'appelle comment? Je ne dis pas son nom. Mais pourquoi? Charlotte. Hein? Et pourquoi? Charlotte. Ah, parce que ça s'appelle Charlotte. Voilà. Charlotte la grosse salope. Elle cueille des fraises. Charlotte aux fraises. Voilà. On a combien de j'aime là sur la publication là? On a notre community manager là qui nous dit en direct et en temps réel combien de j'aime sur la photo. Attention, c'est... ça arrive à 100 j'aime. On la déguise en fille. Combien de j'aime? Ah, combien? 84. Ah. 84. Allez, on se dépêche là. On se dépêche là. Il y en manque encore là. Ah ouais, putain là. Ah 88 pardon. Ah, 88. Ah, merde. 84 c'était tout à l'heure, maintenant c'est 88. Allez, encore. Allez encore, repartagez là sur Facebook, Je partage une fois, c'est bon. Alors partagez s'il vous plaît, allez, on aime la photo. Allez. Déjà je l'ai pas contre cœur. Ouais, de quoi gueule. Partagez. On s'est à point foot là avec l'Europa League qui est en direct évidemment à 21h58, là c'est la mi-temps. Si ça démarre à 21h les matchs. Du coup ouais c'est ça, trouver le meilleur moyen de trouver l'amour, donc en tout cas beaucoup de réactions. Mais comme je te disais, c'est quand je te dis jouer, il faut qu'elle sait jouer avec la bite. C'est, je veux dire, si t'es en couple, malgré que tu l'aimes, ouais. Si tu... Comment dire? Si elle te donne pas de plaisir, Tu vas aller voir ailleurs. Sexuellement. Bah ouais, tu vas aller voir ailleurs. Ah ouais, mais ouais. Malgré que tu l'aimes. Non, mais y a pas que le cul. Ouais, mais si tu prends pas de plaisir. Il y a la bite des couilles. Si tu prends pas de plaisir. Bah après, je sais pas, moi, après, j'ai peut-être cette mentalité-là. Hein. Mais pour moi, tu vas rester avec une personne pendant 50 ans, obligatoirement, tu vas tromper. Ah, j'ai vu un beau truc là dans une émission de télé. C'est un couple, il y avait, ouais, 50 ans. Ah ouais, dans 50, les 12 Scooby-Doo. Ouais. Ah, tu l'as vu aussi. Et là, tu l'as chialé. Il a chialé parce que. Des couples comme ça, qu'il c'est. A, parce qu'il n'a jamais été voir une autre fille. Non. Qu'elle, ouais. C'est beau, quoi. Moi, qui dis, en paix, je suis sûr que c'est vidé dans les trucs porno aussi. Non, c'était trop émouvant. Il m'a fait. J'ai failli avoir moi, je pense qu'au bout de 50 ans d'une relation avec quelqu'un, t'es obligé de la tromper. Dans 50 ans, avec toujours le même cul. Bah non, c'est pas la même génération. Hein, maintenant, c'est la génération. La même génération, non, excuse-moi, parce que la génération avant c'était pire, sauf que maintenant, on est dans une génération où maintenant tout se fait via Facebook, etc., donc tout se sait. Oui. Qu'avant, tout se savait pas. Non, moi, je suis vrai. Pas d'accord, tout, la tromperie, ça a toujours été. Mais, est-ce que sucer, t'es trompé? comme si, généralement, quand je me fais sucer, généralement, je vais jusqu'au bout après. Mais bon, ouais, voilà. C'est rare que je dis, bon, je me fais sucer, puis après, bon, c'est tout. Mais sucer, oui, pour moi, sucer, c'est tromper. Ouais, et toi? Enfin, moi, au moment où tu fais un bisou à notre fille, c'est tromper. Ouais. Non. Si. Bah, tu claques un piou à une fille, c'est. Bah, c'est tromper, c'est tromper. Bah, enfin, claquer un piou à notre fille en soirée devant ta copine, on va péter un plomb. Enfin, moi, en tout cas, ma copine, elle ferait ça à un mec, elle claquerait un piou. On va péter un plomb, hein. On va péter les plombs. Putain, ça un chien. Oh, je vais te casser la gueule, salope. Non, mais bon, non, je sais pas, ça se fait pas. C'est son principe. Et pourquoi elle le ferait? Moi, je claque des piou à tout le monde. on va mettre une réglementation de distance entre nous. Bah, attends. T'inquiète pas, on est vraiment très loin là. Ouais, c'est vrai. Fais gaffe parce qu'on va vite arriver à 100 gemmes. Hein. Bah, j'espère, Inch'Allah. Comment on dit Inch'Allah. Ouais, en tout cas, bah, restez avec nous là jusqu'à 23h. On est là. Alex Libre Antenne, petit point foot évidemment. Là, cette prochaine, c'est redoublé. C'est là. La mi-temps pour Manchester United qui fait toujours 0-0. Et Saint-Etienne fait toujours 0-0 aussi. Il y a notre match aussi en France. Bah, ah, Nice, ils ont perdu 5-2. Ah, 5-2, les dans le cul. Allez, bon, en tout cas, bah, merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Ça fait grave plaisir, là. On se fait le dernier bande de Son of Legend. 22h tout pile avec Blues. C'est une reprise de la la la la la la la. J'adore ce son. On est en direct, évidemment, ici jusqu'à 23h à Max de son dance floor. Bonne soirée. Ce sont Son of Legend à l'instant en direct évidemment là jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur la dance floor. Everybody. Hey. Ah, chaque fois j'ai oublié d'éteindre mon micro. Enfin, d'allumer mon micro. Ouais. Bon, en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là avec Ben qui est avec nous en direct. 96, encore 4. Mais avant ça, bah, justement, vu que c'est l'anniversaire de Ben dans quelques jours, on a voulu le faire souhaiter avant évidemment. Ici même en direct. Ça a sonné? J'en sais rien, moi j'ai le casque dans les oreilles. Ok, et donc Jojo il a souhaité t'offrir des cadeaux pour ton anniversaire. Ouais, alors, donc, je m'attends au pire quoi. Voilà. Non, alors non, ça va te faire plaisir. Encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Alors qu'est-ce qu'il nous a ramené Jojo comme cadeau? Tu sais bien qu'on fait pas les choses comme tout le monde ici. On fait des trucs bizarres. Et je me suis dit, tiens, on va lui faire un petit coffret cadeau, un petit coffret utile. Alors, je lui offre alors, un petit pain. Attends, cache-le. Ouais, je le cache, mais attends, je peux pas le micro. Voilà, je lui offre un petit pain au chocolat pour demain matin. Mais mets-moi la boîte là. Il voit pas, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Alors, je lui offre un oignon. Voilà. Un oignon. Il t'offre un oignon. Je t'offre un oignon. J'aime pas les légumes. Je t'offre une boîte pour ranger des cartes pour faire une belote, la belote. Mais dedans, en fait, il y a un kit pour ton anniversaire samedi avec des ballons et une sucette. Voilà, on fera les photos, on le mettra après. Hein. Bah, d'ailleurs, tu dois l'avoir eu, la photo. Un bandana Brésil. En fait, c'était un lot qu'on avait eu chez un partenaire, du coup, on l'a donné. Un bol. C'est bien un bol. Un bol, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa, un bol. C'est une grande marque. Hein. Ah, Ikea. T'as des écouteurs, t'en as? Ouais. Ouais. Et là, je t'en ai trouvé des super modernes, les derniers sortis. Des écouteurs roses, derniers sortis. Donc voilà. Attends, hein. Une ampoule. Parce que c'est, en fait, je t'explique pourquoi je t'ai mis une ampoule, parce que c'est chiant. Moi, ce matin, j'ai voulu aller aux chiottes et j'avais plus de lumière. Alors du coup, ben, j'ai chié dans le noir. Et du coup, j'en ai acheté deux et donc je t'offre la deuxième. Comme ça, tu penseras à moi si t'as plus de lumière c'est dans gentil, tes chiottes. Voilà. Du Smecta. C'est pour les lendemains de soirées difficiles, tu sais, quand tu bois beaucoup. Oh, alors attends, hein, parce que. Ah oui, du bain de bouche. Oh, bah ouais, c'est très important. Parce que c'est très important, parce que en fait, j'en ai eu plein. Et du coup, il faut que je les liquide, parce que sinon, ils vont plus être bons. Donc ça peut servir du bain de bouche quand t'auras mal aux dents, tu penseras à moi. Des M&M's géants. Ah, bah, pas mal ça. Mega M&M's, c'est beau. Bah attends, bah dis, attends, c'est mortel, tu vas te faire foutre. Un CD réinscriptible. Voilà. Non, c'est vrai, bah, c'est un vrai CD réinscriptible. Voilà. Toi, ça marche plus avec l'USB, bon, voilà. C'est pas grave. Ouais, mais bon, moi, je suis encore en arrière-guerre. Une capote, ça c'était obligatoire. Du gel douche. Bah, c'est ça que j'aime. Toi, du gel douche. Ouais, attends. Un DVD, alors non, ça sera pour après, ça tu le verras. Enfin, un DVD, c'est pas un DVD, c'est un CD. Un porte-clés avec une petite lumière. Pour te retrouver dans le noir. Oui, ou quand tu roules à vélo, t'as pas de lumière. Voilà. alors après. Alors, oui. Une photo dédicacée. D'un artiste, et franchement, t'as de la chance. Franchement, t'as de la chance d'avoir. C'est Michel Pruvot, pour mon ami, toute mon amitié. Voilà, dédicace. Hein. Tu vois, j'ai été le chercher ce matin. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Des biscuits, un bloc-notes. Et puis, Et non, c'est pas FIFA. Oh merde! Non, c'est Danny Boone, Asbara Kanchti. Et voilà. Il est pareillé. Hein. Voilà, je te le dis. Pas mal de cadeaux finalement. Non, et puis je t'offre la boîte avec. Et puis le sac. Et du coup, avec la radio, c'est cotisé. Ouais, alors attends, j'ai pas fini, j'ai oublié, il y avait ça. Ah bah c'est toi qui l'as. Ouais, avec la radio. Ouais. Bah quoi? Avec la radio, c'est cotisé, c'est on t'a fait une enveloppe. On t'en fait une enveloppe, là, tiens, mais voilà. Et ça, c'est très sérieux. Ah, ça, c'est, ouais, pour non, coup, c'est très sérieux. Bon, et y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Bah, c'est le geste qui compte. Hein. Voilà. Il y a un peu de sous aussi, un peu de pièces, les gens ont donné des pièces et tout. Voilà, donc ça, c'est une cotisation. Non, c'est une cotisation. Bah. Attendez, mais. Pour le coup. Un petit peu sérieux. Hein. Alors, il a sorti un billet de 200 euros. Et des pièces. Bah, les pièces. Sont... Hein? Bah, voilà, c'est notre contribution. Un billet à... de 200 euros, évidemment, c'est un faux. Hein. Mais ouais. Par contre, les pièces, c'est des vrais. Hein. Bah, ah, oui, les pièces, c'est des vrais. Il ouais. Y a peut-être un euro, ça pourrait ouais, bah, je crois que c'est un euro, non? Je sais pas. Et les amis, on peut quand même applaudir parce qu'on arrive à 100 gemmes. 100 gemmes! On arrive à 100 gemmes. Oh. Et voilà, et là, 100 gemmes. Et du coup, ben, il va se déguiser en fille. Le temps d'une musique, on va le déguiser en direct. N'hésitez pas à liker la page Facebook Radio Mixlore. On va le maquiller en direct, on va faire un live vidéo en direct de la page Facebook Radio Mix Floor dans quelques instants, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver ici même sur la page Facebook Radio Mix Floor. Et puis évidemment, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, on bouge pas avec tous vos messages. Et puis du coup on arrive à plus de 100 chaînes. Bon, ça fait plaisir en tout cas, merci à tous les auditeurs, on a fait 100 chaînes en l'espace d'une heure. Non, par contre moi je vais pas être d'accord. Pourquoi? Les places du RC Lens, je vais les garder pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a Anthony qui vient de m'envoyer un message qui a dit j'ai envoyé à quelques contacts d'aimer pour avoir 100 likes. Et bah alors, c'est le but, et hein. le cadeau, c'est la radio qui offre, c'est pas toi, donc tu pourras avoir un procès sur le cul si t'offres pas ces cadeaux. Moi, je te le dis tout de suite. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. C'est ici que ça se passe, bienvenue tout le monde. Jump right over into cold, cold water for you. Allez, bonne soirée tout le monde, on est là ensemble évidemment jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous là, ça fait grave plaisir, hein. On est là 22h14 ici même. Jusqu'à 23h, Alex Et ouais, merci de passer la soirée avec nous. Everybody. Et c'est bon, on a déguisé notre ami Ben en version meuf. Voilà, autant vous le dire, si vous voulez le voir en vidéo, Camilia. En direct évidemment. Camilia. Si vous voulez le voir comment il est en direct live sur la page Facebook. Quelle salope, salope, grosse salope. Voilà. Oh, tu m'excites. Ah voilà, et franchement, j'ai envie de me branler. Franchement, il est dégueulasse. Hein. Franchement, ouais. Franchement, là, je suis déçu. Hein. Ah la voix de putain. J'ai comment pour mettre le casque. Oh merde. Vas-y. Allez. Voilà. Eh, franchement, il a une sale gueule, mais. Non mais je t'emmerde. Je suis sûr qu'il pourrait faire l'appel du pervers aussi. T'as la voix de pièce. T'as fait la petite voix là. Ah oh, oui. Vas-y, jouis. Ah oh, oui, j'ai envie de toi, grosse cochon. Ah, j'ai envie de toi, Jojo. Ah oui, vas-y. Ah, il tremblait tout seul. Vas-y, fais comme si tu faisais. T'avais un orgasme. Un orgasme. Bah, il a jamais eu d'orgasme. Allez, vas-y. Oh merde. Oh, c'est dégueulasse. Bon, allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. On va l'envoyer dans la rue en direct là. On va l'envoyer dans la rue là. Allez, attention, on est comme ça en direct. Alors Ben, on est ici. On va t'envoyer dans la rue là dans quelques minutes. On va là maintenant. On va lancer la pub là. Et puis si vous voulez voir un petit peu en direct là, qu'on va l'envoyer dans la rue, eh ben n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook Radio Mixfloor live vidéo. vous allez pouvoir. Allez, descends. Allez, attends, je vais suivre avec la vidéo. Donc, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. On est là, on se fera le top ou flop qui débarque évidemment de 3 minutes. On se fera la minute gaming avec notre ami Ben ou plutôt Charlotte ou c'est quoi ton prénom du coup de meuf? Camilia. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. A tout de suite, les amis. Radio Mixfloor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mixfloor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous

tu peux filmer là. Ben, Joujou est en train de filmer en direct là. Donc n'hésitez pas à nous retrouver ici même. On se fait du top ou flop dans moins de 3 minutes. Et puis on se fera la minute gaming avec Ramin justement. Ben, dans quelques instants. Reste avec nous. On se fera également un sondage sexe également. On fera un petit point foot Europa League. Et puis là, évidemment, on profite de la notoriété de notre ami Ben là, qui est déguisé en meuf. N'hésitez pas hein, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe en direct. C'est sur le Facebook Radmixfloor. Vous tapez Radmixfloor, tout radio. Plus loin mix, plus loin fleur, et vous allez sur le live vidéo, vous allez pouvoir voir en direct notre ami Ben déguisé en meuf. Donc c'est juste énorme en tout cas. Et puis nous on s'envoie un petit son le temps de se poser un petit peu là, voilà. Et puis on se rejoint ici même en direct là jusqu'à 23h. On s'envoie quoi tiens comme son? On s'envoie Guim, on s'envoie les Selena Gomez là, j'adore ce son. Et ben là on est ici en direct, on bouge pas. A tout de suite les amis, on est ici jusqu'à 23h. Alex Libre en scène, merci de passer la soirée avec nous, c'est un truc de malade ce soir. C'est jeudi soir, c'est le bordel, c'est le début du week-end et c'est ça qu'on aime ici même en direct. N'hésitez pas à nous retrouver sur la live vidéo sur la page Facebook Radio Mixfloor. Tout de suite. The world can be a nasty place, you know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace, put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Selena Gomez à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là, bougez pas. Du lundi au jeudi 21h 23h Alex Libre Antenne sur Radio Mixfloor. On est là ensemble évidemment jusqu'à 23h, on bouge pas. Et puis on retrouve notre ami Joujou qui est toujours avec nous en bah direct. Ouais là. Moi je suis là. L'autre alors, il court comme un cinglé dehors. Il court, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il court? Je crois qu'ils ont trouvé une voiture sur le parking en fait. D'accord, ok, donc Je suis un peu... Ouais, ils sont partis sur le parking. Voilà, on nous dit trop bien Jojo, t'assures, la part de Sabine qui nous dit à côté message. Ah, c'est gentil, merci Sabine. Ah, la Sabine. Sabine. En tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On fait vivre tout ça en live vidéo sur la page Facebook Radio Mixflor. Ouais. 22h28, on est en direct évidemment. Il y a Jojo, il y a Ben, hein, pour ceux qui nous rejoignent en direct, on a envoyé Ben déguisé en fille. Vous avez fait plus de 100 gemmes là sur la photo. Et sympa. Vu que c'est son anniversaire, on s'est dit on va le déguiser en meuf. Voilà, alors. Donc ça c'est son délire. Donc est-ce que Ben il est là? Ils sont sur le parking, mais il y a une autre vidéo qui tourne, mais bon, je ne sais pas où ça va. Va rappeler Ben. On va faire des défis. Dis qu'il vient au studio. On va vous appeler Ben en direct. Un bisou à toi, là, qu'on lui dit Mathieu à Jojo, là. Ben voilà. Regarde, attends. Attends, voilà. Il est en train d'attraper des gens. Attends. C'est le coiffeur. C'est qui le coiffeur? Qui? Je vois pas, moi j'ai pas vu. Attends. Ah si, il a trouvé quelqu'un. Attends, on va suivre tout ça en direct. Attends. Est-ce que vous entendez? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a rencontré des gens sur le parking, donc il fait la bise à des gens, donc il est content. Voilà, donc apparemment, ça se passe bien. Et du coup, il ne veut plus rentrer. Ah, la Moselle qui dit c'est ici, Radio Mixflor. Oui, c'est ici, Radio. Oui, c'est ici, madame Radio Mixflor. Allez, Ben, rentre à la maison en direct, évidemment. Passez une bonne soirée, tout le monde. Ah, la voilà, regarde. Il nous ramène des gens en plus. Voilà, je ne sais pas s'il ramène des gens. En tout cas, ils peuvent venir, ces gens, s'ils veulent. Ah, les gens sont partis. Ah bon, ils sont partis. Tu m'étonnes. Allez, Ben qui rentre. Mais you. Je vis un grand moment de solitude à la radio, vous savez. Voilà. C'est ici. Hein? Je dis, je vis un grand moment de solitude. Ah, c'est toujours. Toujours. Ah, le retour de Ben en direct, évidemment. Attention, ça va donner quoi? Le retour de Ben en direct, ici même. Ah. J'ai pas le temps. De quoi, t'as pas le temps? Ah, le voilà, notre ami Ben. Bah, tu peux fermer la fenêtre, d'ailleurs. Ouais. Voilà, notre ami Ben en direct. Tu peux fermer les rideaux. Ah, c'est qui aussi. Ces gens? Oui, oui. Ouais. Hein? Bah, oui. Bah, ouais, mais les gens, ouais. Ils écoutent, non? C'est un peu le but de cette radio. On fait des bisous. Hein? Bah, oui, on le sait, on l'a vu. Content. Oui, bah parle dans le micro, ça sera bien. Tu es dégueulasse. Hein, contente, j'étais contente. Non, il faut que tu parles en voix de fille, s'il te plaît, tout le long maintenant. Hein. Ah bah oui. Bah oui, sinon ça sert à rien. Ah bah ouais. Excuse-moi. Voilà. Vas-y, tu peux refaire un petit peu la fille en chaleur là. Essaie de chauffer Jojo. Et non, mais attends, tu sais quoi? Je vois que la perruque, tu vois, ouais. Et je vois pas sa gueule en fait. Ah bah ouais. Vas-y. Bah heureusement. Vas-y. De quoi? Vite, ta mère elle regarde. Non, bah justement, ma mère elle regarde. Elle a déjà vu pire. Hein. Ah. C'est vrai. Ah, t'as déjà vu avec du Beyrouth en l'air? Bah oui. Allez, vas-y. Mais je fais quoi? Bah, t'essaies de chauffer Jojo là. Ouais. Vas-y. Hé hey, Jojo. Oui. Allez, allez, allez mais tu vois, là, je pourrais pas le faire l'appel du pervers. Déjà, Jojo, j'ai du mal. Allez, putain là. Allez, vas-y. Rien, j'ai pas le casque. Ah, bah, t'as le casque là. Putain. Allez, vas-y. Vas-y. Jojo. Oui. Si on se verrait. Si on se verrait, ben on se voit là, connard. Connasse. Qu'est-ce que t'aimerais bien faire, mon chou? Te lécher le téton. Oh, viens. Ah, tu veux que je vienne? Viens lécher le téton. Allez, on va lécher le téton. Allez, on va lécher le téton en direct, attention. Oh, ils sont dégueulasses dans cette équipe de merde. Ah, ils sont dégueulasses. Ah, ça va, tu m'étonnes. Oh, putain, c'est n'importe quoi. T'as kiffé mes gros tétons. Allez, fais-les jouer, fais-les jouer, fais-les jouer. Jojo, commence à te branler. Mais vas-y. T'as, c'est un mélange de voix de transe et de. Je sais pas, c'est. Je sais pas quoi, c'est un mix de tout. Vas-y. Oh, moi, je commence à me toucher. Ah, je... T'as tout le coup qu'il y a un petit air de Maïté, là, celle qui fait la cuisine. Eh, hey, t'enregistres ça, ouais. Ouais, mais c'est en direct sur la vidéo. Ouais, évidemment, on enregistre. On va avoir du dos. Et donc alors, continue, vas-y, continue vite. Vas-y, continue, allez, moi, c'est. Moi, je commence à me mettre à doigt, là. Ah ouais. Ah. Vas-y, mets-le. Ouais, regarde. Oh, oh merde, je vois pas, il y a une plaque. Oh, c'est dégueulasse. Oh, je prends le toit. Vas-y. Oh, franchement, je reste pédé. Hein. Parce que vu les. Bon, en tout cas, merci, on peut applaudir quand même. Ouais, bravo. Ah, merci. Bravo. Voilà, on peut applaudir notre ami Ben. Voilà, on va finir le live vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis en direct. Là, en tout cas, beaucoup de monde là sur le live vidéo. Ça fait plaisir là. Bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On va se faire d'ailleurs le sondage sexe. On va parler un peu de cul. Ça devient tout droit vers le sondage sexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Eh, hey, tu laisses la perruque hein. Ah non, il fait trop chaud, t'es fou quoi. Allez, le sondage de sexe. Alors attention, à votre avis, combien de pourcentage... On écoute là, s'il vous plaît. Oui, mais je t'écoute en même à temps. À votre avis, j'ai... combien de pourcentage une femme de moins de 25 ans fait l'amour une à deux fois par semaine? Qui fait l'amour une fois à deux fois par semaine? J'ai pas compris du tout ton truc. Hein. Une femme oui. de moins de 25 ans oui. fait l'amour une à deux fois par semaine à combien de pourcentage? Combien de pourcentage? Ouais. 75%. Toi, tu dirais combien? Je sais pas, 65-70. Ok, donc c'est Jojo qui gagne cette première manche parce que ça se rapproche le plus, c'est 84%. Ah ouais. Donc 84% de moins de 25 ans. Bah non, justement, moins de 25 ans, une à deux fois par semaine, c'est pas beaucoup, une à deux fois par semaine. Moins de 25 ans. Ouais. Bah si, une à deux fois par semaine. Ouais, mais justement, attends, c'est là où t'es plus actif. Entre combien et combien aussi? En moins de 25 ans, mais. Bah moins de 25 ans. Bah moins de 25 ans, c'est moins de 25 ans. Bah, il est con ou quoi lui? Bah mais du coup, ils peuvent avoir 14 ans, 15 ans et tout. Bah oui, mais alors, ouais. Enfin, attention, combien de pourcentage le porno fait de l'effet au mec? Sur 100%. Sur 100% quoi? 90. Non, 80. Vous allez être étonné, hein. C'est les sondages officiels. Ah, c'est les sondages. Répète le truc parce que j'ai rien compris. À combien de pourcentage le porno fait de l'effet au mec? 33%. Et toi, tu fais combien? 90 au moins. Bah, c'est encore une fois Jojo qui ouais, remporte. Il commence à me faire chier, Jojo. 53%. Ouais. 53% ouais. des mecs ont un effet grâce au porno. Voilà. Et attention, dernière question. Combien de pourcentage, évidemment, se masturbe une meuf? N'importe quel âge? Chaque semaine, chaque semaine. Ouais, 70. Chaque semaine. À votre ami, combien? Donc tu dis 70. 70. Et toi? Non, 60. Eh ben nous avons un top hein, parce que c'est bien 70%. Ah, c'est 70%. Pile 70%. Bah, il est content. Donc, les meufs qui disent qu'ils. Mani, on avait déjà parlé, du coup, je m'en rappelle. Ah, il a bien écouté. Elle est tombée sur le même sondage. Ouais. Bah, c'est bien, c'est vrai que pour une fois qu'il écoute, hein, c'est bien. On est content. Bon, restez avec nous en tout cas en direct, évidemment, jusqu'à 23h. On se fait la minute gaming dans quelques instants. Et puis le top ou flop également. Donc, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Un petit point foot là, maintenant. L'Europa League. Et en direct, là, ça va se finir d'ailleurs les matchs là. Ouais, je pense que ça va se finir. Alors, c'est à combien là? Essaye de nous faire rêver un petit peu là. Ouais. Alors, c'est qui? Contre qui? Dis-nous. Saint-Etienne perd 1-0. Ah, Saint-Etienne perd 1-0. Et tant mieux. Et Manchester United gagne 1-0. Et ben voilà, tout est dit en tout cas, c'est le point foot évidemment, on est en direct jusqu'à 23h, c'est ici ça se passe. Alex Libre Antenne, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, c'est jeudi soir. Et puis on se fait la nouvelle bombe de Zara Lawson à l'instant. On est ici jusqu'à 23h. Merci de nous avoir choisis. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at it like what I'm seeing. Got me feeling kinda shocked right now. Could've stopped right now. Even if I wanna gotta get it where it's at right now. Oh my God, what is it? Want you all in my business. Baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible. To be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your side or not? It's tie tie tie. I just called an Uber and it's tie tie tie. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby? I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. So you're too irresistible. Yeah, that's for sure. If I put your hands where my eyes can't. Mixplore. Tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici. New hit. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Malentendant jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, là, merci de passer la soirée avec nous là. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. On est ici évidemment jusqu'à 23h. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur est belle. Il y a Ben qui est toujours déguisé en meuf d'ailleurs. Oui, c'est moi. Il y a Jojo qui est avec nous également en direct là jusqu'à 23h. On va se faire, avant de faire la minute gaming, le top ou flop. Est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop? Je sais que vous aimez bien cette rubrique. Oui, c'est vrai. En premier, voilà, en première évidemment, ils vont sortir. Alors par contre, vous allez sûrement aimer, vous, un nouveau produit. Bientôt en vente, hein, de l'alcool synthétique. De l'alcool synthétique, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'alcool synthétique qui va être vendu après au commercial, enfin, etc., pour faire après des mojitos, des vodkas, etc. Et ça sera de l'alcool synthétique, de la vodka synthétique, et ça évitera la gueule de bois le lendemain. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas être bourré que quelques heures, et au bout de 3-4 heures, l'alcool va s'évaporer, et t'auras pas mal le lendemain, t'auras pas de... tu vas pas vomir, tu vas pas, grâce à cette alcool. Mais t'auras encore l'alcool dans le sang, de toute façon. Hein? Aura encore de l'alcool dans le sang. Bah je ne sais pas. Non, ça, je sais pas, je me suis pas renseigné. En tout cas, ce qui permet d'éviter la gueule de bois, parce que c'est un chercheur voilà, scientifique qui a cherché ça pour éviter la gueule de bois, parce que c'est vrai que c'est désagréable tout ça. Heureusement que c'est pas un chercheur d'or. Ah bah non, c'est sûr. Et donc voilà, ils vont sortir de l'alcool synthétique. Donc après, ils vont faire des mojitos en fait alcoolisés. C'est-à-dire que tu pourras boire si tu vas être raide, mais ça va t'éviter de vomir, ça va t'éviter d'avoir la gueule de bois, la bouche pâteuse le lendemain, etc. Donc est-ce que votre avis c'est top, est-ce que c'est flop? On va commencer par Ben. Top. Ah bah tu m'étonnes. On doutait qu'on n'allait pas faire un flop avec ça. Hein, top, non, ou flop? Moi flop. Non. Pourquoi? Fou, bah, j'y crois pas trop, tous les produits comme ça qu'ils inventent. Bah si, c'est bien je trouve. Non. Mais si, t'as pas encore essayé, tu peux pas dire. Bah moi quand je bois, le lendemain oui j'ai un peu mal à la tête, c'est normal, mais je dégueule pas quoi. Moi j'ai payé mes consos. Mais mes ça consos. Peut t'éviter de pas avoir mal à la tête. Ouais, bah, tu prends un Doliprane, ouais, hein, c'est bon. Oh tu non, prends un suppôt, tu fous dans le cul. Bon, ouais, Doliprane, ça me fait rien. Bon, attends, c'est quoi? Attends, et je me prends une cuite, c'est pour dire que je sais que je vais souffrir pendant 3 jours. En 5 ans, je t'ai dit le nombre de boîtes de Doliprane que j'ai cramé, merci. Moi, je prends jamais de Doliprane parce que ça me fait rien, moi, quand je suis raide le lendemain. Mais moi, j'aime pas avoir la tête un peu qui tourne et puis la bouche pâteuse, hein, c'est vrai que je te réveille. Moi, quand je me réveille, j'ai la tête qui tourne tout le temps. Tu profiteras pour regarder ta cul alors si la tête elle tourne. Bon voilà, en tout cas bah alors du coup c'est flop aussi pour toi Jojo. Ouais, non, ouais, flop, ouais. Ils vont, y a un nouveau musée là qui arrivait évidemment en Angleterre, il y a que l'Angleterre pour faire ça. Est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop? Le musée national du caca. Donc je vous jure que c'est pas une connerie, c'est en Angleterre, ça vient de sortir. Donc est-ce que votre avis c'est top, est-ce que c'est flop? On va commencer par Ben. Ben, est-ce que tu irais au musée national du caca? Non. Je trouve ça complètement ridicule de faire des musées comme ça, enfin ouais, musée national. Mais tu sais ça sert à quoi? Hein bah, l'Angleterre. Mais genre, ils montrent dedans les cuvettes des chiottes où il y a eu des gens connus qui sont installés bah dessus. Ouais. Gens... Bah, tu sais, c'est, ça s'appelle de l'art, hein, connard. Donc, ah, mais ouais, de l'art sur de la merde, arrête. C'est pas de l'art, la merde. Musée national du coco. Attends, ils vont pas exposer des crottes non plus. Hein. Je veux dire, ils vont exposer. Si, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Tu sais, sur la. Oui, moi j'ai entendu parler, c'est des toilettes. Hyper moderne maintenant où tu t'assis, tu peux laver ton cul en même temps. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Des toilettes sculptées, enfin voilà, quoi. Donc, c'est dans le musée national du caca. Donc, est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop pour toi Bah, moi, j'aime bien l'art et tout l'art, quoi. Enfin, ouais, moi, je dirais top. Toi, tu dirais parce top. Parce que les Anglais, ils sont. Ouais, les Anglais, les Américains, tu vois, ils sont pour tout ça. Enfin, donc, toi, tu dirais top. Ouais, nous. Toi, tu paierais 10 euros pour aller voir ça. Ouais. Ah ouais. Oui. Bah, en même temps, c'est une curiosité. Hein. Ah, bah oui, bah en même temps, ouais. Attends, bah celui qui va passer devant le musée du caca et il va être. Ouais. Il va être curieux et curieux quand même. Ouais, là, c'est vraiment curieux. Moi, tu me fais. On va au musée du caca, tu vas tout seul. Hein. Alors, je préfère aller au musée du caca. C'est sûr et certain, parce que c'est sûr et certain que ça te ferait chier. Ouais, c'est façon de parler. Et attention, dernière info, ça vient juste de tomber il y a quelques heures. Dans le top ou flop, attention, Taxi 5 au cinéma top. Le 31 janvier 2018. Ah, attention, parce que Taxi 5, que je dis top pour l'instant, mais ce sera plus Samy Nasseri, ça sera Malik Bentala en acteur principal. Est-ce que c'est top? Est-ce que c'est flop, Ben? Tu dis top? Moi je dis flop totalement parce que ça a toujours été Samy Nasseri. En fait, ouais, puis. Enfin, pour moi, ça a toujours été Samy Nasseri. En vrai, je sais pas pourquoi. Malik Bentala, je l'aime bien, hein, c'est un bon artiste, mais je trouve qu'après, reprendre le taxi. Après, taxi, c'est toujours la même chose. Le taxi, il essaie d'aider les flics pour attraper les voleurs. Enfin, ça devient toujours la même chose. Après, ça se trouve, ils ont changé de scénario, hein, mais c'est toujours la même chose. Mais parce que Samy Nasseri est carrément parti en couille. Je pense que, vu que c'est Malik Bentala, je pense que ça va être un film assez drôle. Ouais, ça sera drôle. Bon, après, Taxi, c'est pas forcément drôle. C'est un humoriste, lui. Ouais. Donc, après, je pense que ça sera assez drôle. Ouais, et alors, s'il est un scénario, il est un scénario. Après, s'il dit dans le scénario qu'il faut être triste, il a le franc. Hein, mais bah, après, je sais pas. Moi, je trouve que ça a toujours été Samy Nasseri, en fait. C'est comme Harry Potter. Il y avait ça qu'Harry Potter. Le sixième, c'était Malik Bentala, quoi. Enfin, du coup, c'est plus le même personnage. On a un créé avec ce personnage-là. Donc, ouais, après, à voir. Ouais, ça sort pas maintenant. Le 31 janvier 2018. C'est d'ici l'année prochaine, quoi. Donc, non, flop. Donc, hein? Moi, flop. Moi, je suis flop. Moi, ah non, c'est encore dans deux ans, ouais, encore le temps. Donc, flop pour toi. Ouais, bah, taxi, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on va voir la série des Rocky, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, enfin, c'est ça que c'est un peu chiant. Ouais. Quoi, ça devient répétitif, quoi. Ouais. Changer, je sais pas, moi, en fait, pompier, taxi, j'en sais rien. Dis pas de mauvaises idées comme ça. Allez, on s'envoie Black M dans quelques instants. Je suis français. Et je sais que vous l'aimez évidemment, et bah dans quelques instants, Emile Gaming et puis la musique du saucisson. On va se la chanter en direct. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Ça arrive dans moins de 3 minutes, à tout de suite les amis, on est en direct là, bougez pas. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Tomb Raider, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tomb Raider, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux. M'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent. c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Le son de Black M à l'instant en direct évidemment là. Jusqu'à 23h on est là, merci de passer la soirée avec nous là, ça fait grave plaisir. Jusqu'à 23h, Alex Librantel sur Adem. Et on est là. Il y a Jojo qui est avec nous en direct là, bien toujours sûr. Et puis il y a Ben qui est avec nous également, ouais. Là, on est là ensemble évidemment. Et bah tout de suite la minute gaming avec notre ami Ben qu'on retrouve. Là on n'oublie pas évidemment, petite information, on nous retrouve du côté de l'Inox Club pour une soirée Radio Mixfloor. D'ailleurs l'événement est sur Facebook, n'hésitez pas à nous retrouver. Ça sera le samedi 15 octobre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des cadeaux Radio Mixfloor toute la soirée. On va vous donner plein de cadeaux. Et puis l'équipe de Librantel, j'espère complète, sera là pour cette soirée. Donc soirée Radio Mixfloor à l'Inox, samedi 15 octobre. Retenez bien, ça se passe du côté de Gravelines. Voilà, donc avant ça la minute gaming avec notre ami Ben avec les nouvelles sorties jeux vidéo de cette semaine. On t'écoute Ben. Aujourd'hui je vais juste parler Il va pas parler plus fort lui, hein. Ah c'est bon, ouais. Aujourd'hui je vais juste parler de l'offre gratuite qu'il y a tous les mois de PlayStation Plus. Ah qu'est-ce que c'est? Au mois d'octobre ça sera, enfin qu'est-ce que c'est le PlayStation Plus? Ouais. C'est l'abonnement qui te permet d'avoir des réductions et tout ça sur la PlayStation 4. Ah bon. Et sur PlayStation 3 et PS Vita. Bah c'est bien, j'en suis ravi. Et je suis content. Pour la Play, donc. Et tous les mois, ils sortent des jeux gratuits. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ce pour le mois d'octobre, ça sera. En fait, en gros, tu payes pour avoir des jeux gratos. En fait, tu payes pour jouer en ligne. Tu payes pour jouer en ligne, mais eux, en échange, ils t'offrent tes jeux gratos tous les mois. Ok, d'accord. Oh, c'est jeux de merde, sinon. Bah, ça dépend. Il y a pas longtemps, on a eu NBA. Ah, bon, ça va. Ouais, quand est-ce qu'il y a Candy Crush ? Là, tu payes en direct, n'importe quoi. Hein ? Tu payes en direct. Là. A donc... chaque fois sa chronique, je dédicace à notre ami le... ouais donc pour le mois de, enfin pour le mois d'octobre, le... sur PS4 ce sera Resident Evil. Resident Evil et Transformers Devastation. Ah là bas voilà. Bah comme ça vous le savez, ami sur... PlayStation. Sur PlayStation 3 ce sera Mad Rider. Ouais. Et From Dust. Ah on connaît, ouais. Non, non je connais pas moi. Et sur PlayStation Vita. Là, tu scures le nez. J'ai vu, je regarde, mais je l'ai vu faire. Je croyais qu'il y avait personne qui m'avait dit. Ah, bah, ça me gratte, ça, je me cure pas tu le nez. Tu dis bien que je baille en direct et l'autre il se fout le doigt dans le nez et tout. Ouais. Ça me gratte mon nez. Et différent. Sur PlayStation Vita, ce sera Code Realize et Actual Sunlight. Et ben voilà, tout est dit. Merci en tout cas pour cette info. De rien. D'autres infos peut-être? Non. Ah, c'est que ça? J'ai juste fait les jeux du mois. Ah, ouais, d'ailleurs, moi j'attends. J'ai sorti des meilleures applications. Attends. Attends, moi je suis pas là pour vendre des cravates, hein, sachez-le. Attends, parce que moi évidemment vous aimez, maintenant on est tous sur son smartphone, sachez-le. Et donc j'ai les sorties de, des applis évidemment qui marchent le mieux, en tout cas en France, cette semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Non, parce qu'il y a Arbaille. Parce que j'arbaille, mais ah, je me suis reculé du micro. Il y a un nouveau jeu qui n'arrête pas de cartonner, ça s'appelle Pumpette BMX. un jeu de baby, je sais pas si on a entendu parler. Non. En tout cas, j'ai téléchargé. J'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Après, une application qui marche très très fort. 7 minutes entraînement en 7 minutes pour faire des entraînements chez vous. Ah, c'est ça que je veux, c'est celui-là que j'essaie d'avoir. Une application qui permet de faire un peu de sport chez vous, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous disent des petites, genre pendant 2 minutes, vous allez réfléchir vos genoux, ouais, etc. Et puis vous allez vous entraîner. Et cette application marche du feu de Dieu. Après, est-ce que ça fonctionne réellement? Ben... ouais, tu fais du sport en fait, sauf qu'eux ils t'aident pendant à faire 7 du... minutes. Et en parlant ah, de sport, tu me fileras le truc. Hein, je vais en parlant de sport, il y a aussi une application qui s'appelle Runtastic GPS Pro et qui permet de, quand vous courez, bah, il permet de dire la distance que vous parcourez, combien de ah, minutes, bah, oui, etc. Ça, ouais. C'est et vous pouvez le partager notamment sur les réseaux sociaux comme c'est Facebook, etc. Mais j'en ai rien à foutre. Mais je te le dis. Mais c'est la troisième, aussi, la quatrième application la plus téléchargée en France cette semaine. Voilà. Et l'application qui cartonne, en plus on en parlait il y a même pas quelques instants, c'est NBA 2017 qui est sorti sur les smartphones. En tout cas, il n'avait pas donné un putain 8 balles sur l'application, enfin du moins pour l'Apple Store, c'est cher. NBA 2017, donc voilà. Moi, tu pourrais donner les gratuits. Hein. Hein? Pourrais passer gratuit. Ouais, c'est vrai que bah, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Hein. Bon, ouais. Après, moi, en fait, moi, des applications, moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me dérange pas de mettre 1€, 2€ dans une application s'il n'y a pas de pub, en fait. Parce qu'il y a des applications, on laisse tomber, t'as des. Ouais, non, je paye quoi pour les applications Hein? Je paye pas, moi. Moi je paye, je suis pour payer. Non, je rigole. Non, non, mais moi je dépense pas en fait des applications. Moi je me dis par mois un petit budget, 1 ou 2 euros, pas plus, tu vois. Quand je joue à Clash of Clans, je me chie. NBA il a 8 euros. Ouais, 7,99. Je trouve que c'est abusé, ils auraient pu le faire gratuit. Parce que déjà l'argent qu'ils se font sur les consoles, le jeu il a 70 euros. Ouais, bah, mais c'est, pas, aussi, c'est hein. pas le même service entre le. Non, non, bah après ils peuvent faire payer genre 2,99, 3 euros, mais bon, s'ils le font à un prix là, bah, c'est. Le 16 il était gratuit. Bah, FIFA ils auraient pu le faire gratuit aussi. Ah, carrément. Ouais, j'avoue que c'est. Ah, sur le téléphone, il est gratuit. C'est cher. Sur téléphone. FIFA ? Ouais. Bon, en tout cas, il est pas gratuit là, je pense pas. Attends, je vais regarder. C'est FIFA, c'est gratuit ? Non, je pense pas. Attends. Ouais, hein ? Ouais, mais c'est pas le jeu FIFA en fait. C'est une application qu'il est connecté avec ton compte et que tu peux gagner des crédits et tout ça. Ah ouais, attends, parce que moi. Attends, FIFA 17. Ta fute. Ah, c'est FIFA 17 Compagnon ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est gratos, ouais. Par contre, c'est FIFA. Ah si, FIFA 2016 qui était sorti la dernière, Ultimate Team. Ouais, ah si, c'est les gratos, ouais, mais par contre ils disent bien achat intégral, donc ça c'est l'arnaque à crever ça. Achat intégral, c'est ouais, faut pour acheter des crédits, ouais, pour ouais, jouer. Non, t'achètes des points. Des points, FIFA. Des points, ouais. Déjà une poignée de points, 0,99, un tas de points, 5 euros, un amas de points, 20 euros, ouais, une pile de points, 49 euros. Donc voilà, une grosse pile de points, 99 euros, c'est un peu cher, quoi. Donc j'avoue que ça fait un peu cher, quoi, le truc, quoi. Dédicace là, enfin un petit pub en direct là, vas-y, notre partenaire qui est en direct là, il est là. Attends, parce qu'il y a notre partenaire, parce que vous le savez, grâce à Radio X-Flo, on a un coiffeur qui est avec nous qui s'appelle Mister Coucoupe. Et là, justement, il est passé dans les parages pour un partenariat bientôt avec la radio. Il est avec nous. Salut Mehdi, ça va? Bonsoir, ça va. Il y a une belle voix, Mehdi, à la radio. Bon, plusieurs fois, il vient à la radio, mais attends, c'est une habitude. Mais là, j'entends dans le casque. Alors, Mehdi, qu'est-ce qui arrive de beau pour Mister Coucoupe? Il faut savoir quand même que Mister Coucoupe, les enfants, c'est quand même 4 salons à Calais, ouais. Enfin, 2 salons à Calais et 2 à Boulogne. Donc ouais. Ça, c'est plutôt la classe à Dallas. Alors, est-ce que bientôt à Dakar, des salons... peut-être. Ah, bah justement, on va demander au boss qui est là. Est-ce qu'il y a des ouvertures de salons dans les jours à venir? En exclusivité, dis-nous. Bah écoutez, il y a du projet, mais on s'exprimera une fois que ça sera fait, mais tu nous viendras nous le dire ici en avant-première. Mais que ça sera vraiment, ça se concrétisera. Eh ben, il faudra venir nous le dire ici en avant-première, comme ça on ira tous là-bas faire une teuf pour l'ouverture des salons, enfin là où tu vas ouvrir, hein. On ne sait pas où tu vas ouvrir. En tout cas, il a lancé une nouveauté il n'y a pas si longtemps, c'est le rendez-vous en ligne. Oui, le rendez-vous en ligne, et ça cartonne ça. Exclusivité Mister Coupe en France. Ouais. Franchement, exclusivité. Franchement, ça c'est du. Rendez-vous en ligne, mais on peut également choisir le barbeur de son choix, le coiffeur de son choix. En fait, c'est ça qui est exclusif. En fait. Franchement, ça c'est bien. Ça, on perd moins de temps chez les coiffeurs. On arrive, on se fait couper, on repart. C'est vrai, c'est sympa. Bon, mais Radio Mixfloor, vous sachez une bonne soirée. Bah ouais. Merci. Bah moi je m'appelle Alex, je m'appelle pas Radio Mixfloor, mais bonne soirée quand même. Ok, moi c'est le 6 de salle. je peux vous dire que cet après-midi, je travaillais ici à la radio, j'entendais le patron de Mister Coucou chanter, et je peux vous dire qu'il chantait très mal. Ah ouais. Ceci dit étant, voilà, l'info. C'est une belle info. Voilà, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, bah on s'en joue dans quelques instants. J'ai envie de me faire le petit repas, j'ai envie de me rappeler des petits canulars, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire chier ce soir là. Minutes, hein. Bah alors, c'est bon. Ah bah oui, putain, déjà l'heure de se quitter. Ah ouais, la chanson, c'est vrai, merci. J'ai reçu 2-3 messages. La chanson, il y en a une qui m'a dit quand vous chantez la chanson que j'écoute avec mon portable, j'enregistre. Mais rassurez-vous, on l'enregistrera en meilleure qualité, ça sera mieux. En studio et tout. Et ça sera gratuit, on vous l'enverra gratuitement. Bah, ça, peut-être pas ça. Toi, t'as pas demandé de faire des coups. On va faire payer 1,99 comme les. Non, bah non. On va le faire gratos, hein. Sachez-le. Putain, j'ai le remonté de ton hamburger là. Putain, plus tout à l'heure là. C'est... Bah, vas-y, on se fait une petite dernière fois là en direct. Le... Je me rappelle même plus. Attends, ouais, du saucisson avant le week-end. Je me rappelle même plus. Ouais. Bah, si, moi je le sais, t'inquiète. Hein. Ouais. Attends, je suis pas là pour mon écran, vas-y. Allez, c'est parti en direct. Et attention. Ouais. Allez, allez. Eh ouais. Allez. Et t'entends bien les paroles ou quoi? J'ai c'est été lâché à Carrefour. Allez. C'est du premier prix, mais hey, c'est du bon. Hey, hey, on hey. Va le lancer en l'air. C'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez. Oh, il est vachement trop bon. Le saucisson. Non, après, je sais plus comment travailler. Ouais. Là, on est quoi eh, c'est pas mal, hein, cas, ça comme pas. Ça donne des frissons à cette musique, la danse du saucisson, sachez-le en tout cas. J'ai. C'est quoi. Bon, en tout cas, merci. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On s'en rejoint évidemment dès lundi, 21h, avec lundi le retour de toute la bande. Il y aura Lisa, il y aura Geoffrey également, Joe qui sera avec nous. Tonton Manix sera là le retour la semaine prochaine parce que cette semaine, j'avoue que c'était une semaine, on n'était pas très long, on tournait qu'à 4, mais avec 5 pardon avec Quentin, mais rassurez-vous, la semaine prochaine il y aura beaucoup de choses en plus avec beaucoup de cadeaux, on a beaucoup d'infos, on aura notre enfin beaucoup de nouveautés, je vais rien vous dire, mais dès lundi le retour de l'application de la radio aussi mobile, donc en tout cas beaucoup de nouveautés qui vont arriver, puis on a pas mal d'événements aussi, on pourra vous retrouver notamment le week-end. Voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon week-end, vous allez faire quoi de beau de votre week-end? On va commencer par Ben, tiens. Elle est dégueulasse avec son bac. On va faire quoi de beau de ton week-end? Samedi je vais au salon du jeu vidéo. Ah calé, ouais. Et le soir peut-être aller à l'Inox, c'était mon anniversaire. Ah c'est vrai, ouais. Ah bah j'y serai d'ailleurs. Ouais, je sais. Ah bah ouais, bon, on se retrouvera. Bah dis-le, je prends mon micro et je vais te faire une annonce alors. Bah ouais. On fait comme ça. On fait comme okay. Ça. Ah ouais, tu vas y aller. Tu vas y aller comment, ouais. À pâte. Non, je vais m'arranger. Jefferson. Non, il sort pas en boîte. Ah, il sort pas en boîte, c'est vrai. Ah, c'est pour ça que je t'envoie une invitation, t'aurais pu répondre moi. Je t'envoie une invitation tout à l'heure pour l'inox, t'aurais pu répondre. Ça va, vous pouvez pas raconter votre vie après? Non, mais c'est vrai. J'ai envoyé les invitations. Peut-être que je vais faire le bouton week-end. Alors, moi, je vais aussi au salon du jeu vidéo parce que j'étais invité à y aller. Oh, ouais, parce qu'on est invité. Ok, elle est invitée, c'est très gratos. Oui, ça revient très gratos, mais nous, on a une entrée très spéciale pour boire un coup, c'est surtout pour ça que j'y vais. Ouais. Et après, famille. Ok, merci. Famille. Il y a un truc pour boire un coup, c'est demain normalement, c'est ça? Hein? Parce que normalement, c'est toujours la veille. Samedi. Non, samedi. Parce que moi avant j'étais invité avec la radio, ouais. Aussi pour boire un verre. Bon après au fil des années ça m'intéresse plus ce genre de bêtises, hein. Ouais mais moi ça m'intéresse, du moment que c'est gratuit, pour moi j'y vais, ouais. Non et après famille, week-end un peu repos. Ah week-end repos, trop de radio, tu la radio quoi. Non puis semaine chargée. Ah bah oui. Je me doute bien. Bon, en tout cas, souhaitez un très bon week-end si vous sortez évidemment dès ce soir. Et puis dimanche, je vais me taper une queue. Ah, bah, je alors, envoyez-nous des photos et fais partager sur ton Facebook. Ok. Hein. Fais un live vidéo. Fais un live vidéo en direct quand tu vas jouer. On va suivre en direct. Ouais, d'accord, ok. Bon, voilà, en tout cas, passe un très bon week-end si vous sortez, évidemment, sortez. Couvert. Et n'oubliez pas la Google, on va consommer avec. Modération. Voilà, merci. Il va dire, je connais pas modération, là, je commence à le connaître, là, ça va. J'ai rien dit, c'est bon. Bon voilà, mais c'est vrai que je connais toujours pas modération. Voilà, très très très bon week-end. Et puis, évidemment, dès demain soir, Plate Mix avec notre ami Quentin et puis tous les DJ résidents Remix Flan. Et puis, dès lundi, on se retrouve avec 20h le Before avec KB. Et puis, à 21h, ça sera la libre antenne. Voilà, donc je vous dis à lundi. Ciao, bon week-end. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais prier, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien un peu. Si tu me parles, rien un peu. Si tu me touches, rien un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu.

Tell me all the dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Radio Mix Floor. What up, what up? Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah! Radio Mix Floor. Yeah. max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. I ain't gonna run.